confiance. Monsieur Confiance est parti. Il n'y a plus confiance. Monsieur Confiance est parti. Il n'y a plus confiance. Pablo, Vatican et Nicolova, Constance, en France. Opa, opa, opa, opa, opa, opa. Choum, seven, double, seven, choum, double, seven, double, choum, double. Pablo, en direct de l'Afrique. La tamboli mikili o ebele ama kamona mani. Iga ilose tutundenge nini oko kikondi mangai. La kumisa kaya obipa ilioso na kendeke. Na mi pesa mobimba na la mulu yanga inayo. Yo y galose, yo y galose, sala sepa. Epa ina kende o kanisanga ina bosana yo. Baka buana kaboye teli boso bapesa ka elaka. Bata la kananu nasima mosika epa iyo uti. Lopango na kanga ba parabasi ba mela masanga ba songi songi abato ba koko sayo koto kabwana sala kileo sala kileo nalibala oyo na pasito moninga inayo na bolingo oyo. Ifuta toko lukanga ina yo toko kabanay. Ibale zaliba sentimanga ina lingi kakayo. Yaka yaka to lingana, yaka yaka to sile. Yaka yaka to lingana, yaka yaka to sime. O sheri yenge na langweo. O mabazo, o malekinga. Kaka pona yo. O Camilolo, Kase Amai, Ola Matoi Nayo. O Papé Azali Botala. Moninga ina yo na bolingo oyo. Lifuta toko lukanga ina yo toko kabanay. Nibaleza liba sentimanga ina ingi kakayo. Yaka yaka to lingana, yaka yaka to sile. Yaka yaka to lingana, yaka yaka to sime. O sheri ina langweo. O mabanzo, o malekinga. Kaka pona yo, mama leki. Show! Ikango na motote. Ipele ya machoke, choke. Ikango na motote. Kepa monika okozi wali kama. Choke! va la pensão. Pablo, la casa lo poco leo. À Paris, hein? Au Malibu, au Kessamba, aux plantations, bien sûr à Paris. Hein? Et nous sommes arrivés à Lomé, au Z, Tabou, Lawa, Makina Loka, Tropicana. L'ambiance à coco, hein. Oh, mama! Kisende ya bolingo ya kakomi kisangai Ayoki isombo ya mamanda basali kutia songi songi Ona komi kitoko kakomi kodongolongai Mobali ya sala kamaso na koluka nini Kaina yese liwa Papa Nani ati sende ya bolingo ya kakomi kisangai Mabali nangaye ye, eroko nalinge lakaye Auta mosala apesa taibeze alitama Esula jakakai, yango nakoma paralize Otikera ngaye Nakoyako bela malade, malade abasusi ebona kamotote na miswina lone mo sherie. Nani ati sende ya bolingo ya kakomi kisangai. Mabali nangaye ye, eroko nakupela kaye. Pesa ngai beze alitama Esula jaka ngai Yango nakoma paralize Otikela ngaye Nako yako bela malade Malade ya basusi Epona kamotote Na miswina lone mo Sherie Nani ati sende ya moningo Ya kakomi kisangai molango nanga na eliboma bonga na sinisi banga na kisasa pona yo dobela ngai mama leki polele na yeba merite na yo nzambe na yeba soki oliki ngai olikwa divize na boya na banga na ngai makambo Thank you. naloba, naloba. Katibo ke bambala oyo. Atabo katibi, toko kutana. Oma koko. Oma kelena. Je t'aime, oh. Si qui a moins gagné les limites, hein?